On s'est arrêté sur l'idée que dans un environnement de travail fortement réglementé, et même on pourrait dire en l'absence de règles, le bon fonctionnement d'une organisation implique toujours une bonne volonté de la part des acteurs. Il y a là quelque chose de tout à fait important. Alors, si on poursuit la réflexion de Crozier-Friedberg, Crozier-Friedberg vont réfléchir à des ressources en pouvoir qui sont présentes dans les organisations et par rapport auxquelles, finalement, jusque-là, on a pu accorder l'intérêt. Donc, quelles sont les ressources en pouvoir et, puisque Crozier-Friedberg, quelles sont les ressources en pouvoir qui sont intéressantes de mettre en évidence parce qu'on en parle peu, parce qu'elles ne sont pas ou peu théorisées. Ils mettent l'accent sur quatre ressources: l'expertise, le pouvoir du marginal séquent, je reviendrai dessus, la maîtrise de l'information et la maîtrise des règles organisationnelles. Ils disent voilà, ça c'est quatre ressources en pouvoir intéressante à réfléchir parce que finalement la littérature en parle peu. Si on devait réfléchir à d'autres ressources en pouvoir, qui sont des ressources relativement classiques et dont la littérature, à l'époque de Crozier-Friedberg, a beaucoup parlé, eh bien je vais vous donner deux exemples. Je pense que l'argent, c'est une ressource en pouvoir très importante. Le temps, avoir le temps ou ne pas avoir le temps est une ressource en pouvoir très importante, très classique. Alors, je reviens sur ces quatre ressources en pouvoir mises en évidence par Crozier-Friedberg. L'expertise, eh bien, c'est le fait de maîtriser des compétences qui sont indispensables à l'organisation, au bon fonctionnement de l'organisation. L'informaticien, le comptable, le directeur du personnel, eh bien, possède une expertise. Et pour que cette expertise soit une ressource en pouvoir, encore une fois, il faut qu'elle soit pertinente par rapport à ce dont a besoin l'organisation. Globalement, on est dans des sociétés que l'on considère de plus en plus complexes. On est dans des situations que l'on considère de plus en plus complexes. À partir du moment où on parle, où on fait référence à la complexité, forcément, comprendre le complexe nécessite de l'expertise, nécessite souvent de l'expertise qui est détenue par des individus différents. Le chimiste, le biologiste, le juriste, l'homme de marketing, eh bien, ce sont des experts qui souvent doivent se mettre autour de la table pour produire des avis, pour analyser des situations, pour permettre ou faciliter la prise de décision. Le pouvoir du marginal séquent, le marginal séquent, c'est la personne qui parvient à contrôler l'interface entre l'organisation et son environnement. Le marginal séquent, c'est la personne qui contrôle les relations entre plusieurs organisations. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, hein. Le terme de marginal séquent. On peut partir du principe que c'est sans doute la première fois que vous le rencontrez. Or, si on regarde la presse belge et que l'on s'intéresse à la vie politique en Belgique, il est question depuis, de manière forte, de manière intense, il est question depuis plusieurs semaines de ce pouvoir du marginal séquent. À travers ce qui est dit de Pupifi et du comportement de l'acteur politique, eh bien, on voit bien qu'il y a ce souci de contrôler l'environnement dans lequel on est, en étant présent dans toute une série de structures, dans toute une série de conseils d'administration. Donc, empiler les mandats a bien sûr une dimension financière, économique qui est importante. Ça aussi, une dimension de pouvoir, c'est le fait de parvenir à contrôler l'environnement dans lequel on est. Et ça renvoie à cette idée du pouvoir du marginal séquent. Alors la maîtrise de l'information, je pense qu'aujourd'hui on reconnaît que avoir l'information, avoir accès à l'information, c'est une ressource en pouvoir tout à fait fondamentale. Et puis, Discosier Friedberg, le fait de connaître les règles, de connaître les règles de l'organisation est aussi une ressource en pouvoir très importante. Je pense qu'on peut dire que Crozier Friedberg parte du principe que la règle protège l'acteur qui est le plus dépourvu en ressources de pouvoir. Donc la règle vient protéger le démuni, vient protéger le pauvre, l'acteur qui n'a pas ou peu accès à des ressources en pouvoir autres que la règle. La règle dit que aujourd'hui, la durée hebdomadaire de travail, c'est 38 heures. Et c'est une règle qui existe aujourd'hui et pour laquelle le mouvement syndical, les travailleurs se sont battus pendant des années pour en arriver là. Encore une fois, j'insiste, ces quatre. Donc, Crozier Friedberg font une focalisation sur ces quatre points-là. Cette liste n'épuise pas les ressources en pouvoir. Les ressources en pouvoir dont on dispose, dont l'individu dispose, dépassent bien sûr ces quatre points. Alors, et j'en termine tout doucement avec Crozier Friedberg. Ils disent voilà l'objectif de la sociologie des organisations telle qu'il la propose, l'objectif de l'analyse stratégique, synonyme de sociologie des organisations, l'objectif de l'approche politique qu'il propose, que Crozier Friedberg propose, c'est de faire ressortir les relations de pouvoir qui sont à l'œuvre dans les organisations. Faire ressortir les relations de pouvoir, ça renvoie chez eux à ce qu'ils appellent le SAC, le système d'action concrète. Donc, pratiquer l'analyse stratégique, c'est faire une photo, si vous voulez, une photographie des relations de pouvoir. Et cette photographie, Crozier Friedberg l'appelle le système d'action concrète. Donc le système d'action concrète met en évidence l'ensemble des relations de pouvoir qui est à l'œuvre à un moment donné dans une organisation. J'ai envie de vous donner le point de repère suivant, c'est que le SAC, donc le système d'action concrète, est à la sociologie des organisations ce qu'est l'organigramme au management classique. Je répète. Donc, pour vous aider, je pense qu'on peut faire le lien suivant. C'est de dire que le système d'action concrète est à l'analyse stratégique, à la sociologie des organisations, ce que l'organigramme est au management classique. l'explique. C'est quoi l'organigramme? Alors, ce n'est pas une cartographie des relations de pouvoir. On peut dire que c'est une cartographie, c'est une représentation, mais ce n'est pas des relations de pouvoir. C'est une cartographie des relations hiérarchiques. C'est différent. Donc, une cartographie des relations hiérarchiques. C'est-à-dire que l'organigramme se présente classiquement de cette manière. Donc vous avez, on va mettre le président directeur général. Et puis, vous avez le responsable, le directeur du département X et le directeur du service X, du service Y, du service Z. Et donc, ce que dit l'organigramme, c'est que le directeur du service Y dépend hiérarchiquement du directeur du département X qui dépend hiérarchiquement du président directeur général. Oui. Du coup, en fait, le système d'action, là, en fait, ça permet d'identifier les dépendances. Par exemple, le PDG, théoriquement, il est au-dessus de l'informaticien, mais c'est l'informaticien, c'est pas l'ordinateur, etc. Donc on va dire que dans l'exemple que vous donnez, qui est tout à fait correct et intéressant, on va dire que l'informaticien se trouve ici. L'informaticien, il contrôle une ressource, il contrôle une zone d'incertitude forte par rapport au directeur général, qui est que l'informaticien peut réparer l'ordinateur du président directeur général. D'accord ? Et donc, hiérarchiquement, vous voyez la manière dont l'organisation est structurée, mais ça ne dit rien sur la relation de pouvoir. Donc, l'exemple que vous mettez en scène est important parce qu'il montre que lorsque l'informatique tombe en panne, il y a l'informaticien qui maîtrise cette informatique, contrôle une zone d'incertitude très forte. Est-ce que je vais réparer vite ou pas? Est-ce que je vais tout faire pour réparer en urgence la situation? Et donc, mettre en évidence le système d'action concret implique... Oui, donc ça c'est l'organigramme, d'accord? Et le management classique, on va dire que c'est Taylor, c'est Ford. Donc ce sont les théoriciens de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, le management classique ou scientifique. Et donc, le système d'action concret, il vise à identifier les acteurs. Et donc, dans l'exemple qui nous intéresse, on a deux acteurs, le PDG et l'informaticien. Donc ici, quelque part, on pourrait faire un tableau hein, avec une première colonne, les acteurs, on répertorie les acteurs. Deuxième colonne, c'est les buts, les enjeux. Si on en revient à la situation que vous avez présentée, c'est réparer un ordinateur, refaire fonctionner un ordinateur. Alors l'enjeu peut-être pour l'informaticien, c'est en réparant l'ordinateur du président directeur général, c'est de bien se faire voir par le président directeur général. Il y a là un enjeu symbolique qui est peut-être intéressant à relever, étant entendu que si je parviens à réparer vite, à bien faire voir, peut-être que ça va m'aider aussi pour la suite de ma carrière. Troisième colonne, c'est les ressources en pouvoir. Donc on liste ici les ressources en pouvoir des différents acteurs. Quatrième colonne, c'est les alliances, les oppositions. Donc, des acteurs individuels, collectifs peuvent se coaliser pour faire pression sur. Je travaille beaucoup sur les conflits sociaux. Vous savez qu'en Belgique, il y a trois grands syndicats. Eh bien, parfois, ces syndicats avancent en front commun, c'est-à-dire qu'ils sont en alliance, et parfois, ils sont divisés sur la stratégie adoptée, sur le type d'action à mener. Donc, Projet Friedberg attire notre attention sur l'importance de réfléchir à ces alliances, à ces oppositions. La dimension stratégique. Ils disent, voilà, on observe deux grands types de stratégies. Les stratégies offensives. Donc, une stratégie offensive, c'est une stratégie qui vise à faire évoluer la situation, à modifier, dit le slide, la situation existante. La stratégie défensive, bien, c'est une réaction une stratégie offensive, et cette réaction vise à stabiliser la situation, à faire en sorte que la nouveauté n'apparaisse pas. Je vous renvoie au cours de la semaine passée où on a parlé d'évaluation des performances, des compétences, et on a vu à travers l'exemple de la société Water, on a vu une stratégie offensive de la part de la direction des ressources humaines, introduire la procédure d'évaluation, et on a vu que le corps social de l'entreprise avait finalement développé une stratégie défensive visant à ne pas accepter le changement. Et enfin, dernière colonne, c'est tout ce qui concerne le contexte, les opportunités ou les contraintes du contexte. Pour poser Friedberg, il n'y a pas de déterminisme. Le contexte, l'environnement ne détermine pas. Projet Friedberg réfléchissent l'environnement comme étant un champ d'opportunité. Il y a des nouvelles technologies qui sont là. C'est intéressant de les intégrer dans le fonctionnement de l'organisation, mais aussi de contraintes. Est-ce que j'ai vraiment, dans quelle mesure je peux me passer des nouvelles technologies? Dans quelle mesure je peux faire l'impasse sur ces nouvelles technologies? Alors, le facteur temps est très important aussi, parce que dans la durée, eh bien, certains acteurs vont apparaître, d'autres vont disparaître. Les buts, les enjeux peuvent évoluer aussi, l'environnement peut évoluer, donc la dimension temporelle est quelque chose de très important à intégrer dans le système d'action. Alors pourquoi je vous parle de ce système d'action concret? C'est parce que vous pouvez très bien l'appliquer à des situations de gestion du personnel. Le directeur des ressources humaines, vous pouvez le considérer comme étant un acteur parmi d'autres. Un acteur qui, à un certain moment, est porteur de stratégies offensive, il veut changer les règles du jeu, il veut changer la situation. Un acteur qui va peut-être devoir passer des alliances avec d'autres acteurs qui sont présents dans l'organisation. Le directeur de ressources humaines est un acteur qui dispose de ressources en pouvoir importantes. Il dispose d'une marge de manœuvre importante. D'accord ? Mais ce n'est pas un acteur tout puissant. Il ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Donc, sa marge de manœuvre est importante, elle n'est pas absolue. Donc, si vous devez réfléchir à la manière dont vous pourriez être, à la manière dont vous pourriez jouer le jeu, si vous étiez en responsabilité, en charge de diriger un département des ressources humaines, eh bien, je pense que vous auriez intérêt à vous considérer comme étant un acteur parmi d'autres et à réfléchir aux relations de pouvoir qui sont à l'œuvre dans votre organisation. Alors, pour conclure progressivement, donc, aujourd'hui, je considère que on, c'est-à-dire les théoriciens, les praticiens de l'organisation, on considère que le pouvoir est une dimension tout à fait fondamentale dans le fonctionnement des organisations. Donc je pense qu'il y a une espèce de consensus pour dire que le pouvoir est une dimension importante des organisations. Et donc, réfléchir l'organisation sous l'angle des relations de pouvoir est devenu quelque chose de très classique, de très banal. Autrement dit, Crozet et Friedberg ont apporté beaucoup, si vous voulez, par rapport à la conception que l'on a aujourd'hui du fonctionnement des organisations. Alors, comme tout cadre théorique comprend un certain nombre de limites, comme tout cadre théorique peut faire l'objet d'une discussion critique, je vais juste attirer votre attention sur une des controverses qui est à l'œuvre dans le champ de la sociologie des organisations. Et l'idée, quelque part, c'est de vous faire réfléchir à une des limites possibles d'une analyse en termes de relations de pouvoir. Et cette limite, elle renvoie à la question de la domination. Et donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que récemment, quand je dis récemment, on va dire depuis une bonne vingtaine d'années, deux décennies, en gros, la question de la domination dans les organisations a refait parler d'elle. Donc, c'est une ressource en pouvoir. Réfléchir à la domination, convoquer la notion de domination pour analyser les organisations, pour analyser les sociétés, ça s'est fait depuis énormément de temps. Je veux dire, j'ai pas envie de faire de trop grand développement, mais si je vous dis Max Weber, ça vous dit quelque chose. Donc c'est un sociologue allemand, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Est-ce que ça vous parle ou pas? Oui, voilà, c'est plutôt la domination, et il dit voilà... Voilà. Donc il dit que la domination peut s'appuyer sur le charisme. Ne prenez pas note, écoutez juste. Donc Max Weber, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, un grand sociologue, il a marqué la naissance de la sociologie comme discipline scientifique. Il a réfléchi sur la question de la domination et il dit voilà, la domination peut s'appuyer sur trois grands leviers. Il y a le levier que vous avez cité qui est le charisme. le charisme, c'est quoi? Ça renvoie à des traits de personnalité, à des traits de comportement. Telle personne est charismatique. Et donc, elle maîtrise quelque chose d'important sur lequel elle va pouvoir construire une domination. Deuxième source de domination, c'est la tradition. C'est l'histoire. On a toujours fait comme ça. La royauté existe en Belgique depuis 1831, et donc, puisque ça existe depuis 1831, c'est en quelque sorte légitimé par la tradition. Il y a une épaisseur historique. Et donc, on ne remet pas en question. On a toujours fait comme ça et on va continuer à le faire. Et puis, dit-il, la troisième source de domination qui est que l'on peut répertorier, c'est ce qu'il appelle l'autorité rationnelle légale. Et c'est l'usage de la règle, si vous voulez, pour asseoir une domination. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que réfléchir à la question de la domination par rapport au fonctionnement des organisations n'est pas quelque chose de contemporain. Il y a une tradition et la réflexion qui s'est développée ces dernières décennies, elle s'appuie bien sûr sur ce qui a été fait par d'autres dans des contextes différents et il y a donc voilà, c'était un peu une mise en contexte. Et par rapport à cette question de la domination, les auteurs, les théoriciens parlent de nouvelles formes de domination. Donc ce qui serait à l'œuvre dans les organisations, c'est des nouveaux modes de domination. Et alors, quand je organisation ici, les auteurs pointent un certain type d'organisation. Ce qui est pointé par ces auteurs, en gros, c'est les multinationales. C'est les multinationales, pour faire simple, anglo-saxon. Donc, pendant un temps, c'était IBM, pour vous donner un exemple. Puis, c'est sans doute aujourd'hui des entreprises telles que Facebook, Google, qui peuvent être réfléchis sous la forme de nouvelles formes de domination. Donc ce n'est pas la petite PME wallonne dont le siège social est un marchand femelle. Alors, Nicole Aubert fait partie de ces théoriciens qui ont réfléchi finalement à la question de la domination. Et le cadre qu'elle propose est intéressant. Alors, le cadre qu'elle propose s'articule finalement sur deux dimensions de lecture de l'évolution de l'histoire du management. Elle dit, voilà, dans l'histoire du management, on peut la décomposer comme étant structurée par trois âges. Trois âges et deux systèmes. Donc ici, ce sont les trois âges qui sont présentés. Et ces âges, c'est d'une part Taylor et ses collègues qui ont structuré l'Organisation scientifique du travail, donc l'OST, Organisation scientifique du travail. Et Nicole Aubert dit, voilà, l'enjeu principal de Taylor, de Ford, c'est de domestiquer et de mettre au service de l'entreprise l'énergie physique du travailleur. Donc c'est le travailleur conçu comme étant une paire de jambes, une paire de bras, comme étant une masse musculaire. Et la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que cette masse musculaire soit mise au service des objectifs de l'entreprise. Et puis dit-elle, et on en a parlé lors de la première séance de cours, je pense que de temps en temps par la suite c'est revenu dans les exposés, mais le deuxième temps c'est le temps de l'école des relations humaines, un temps qui a été qui renvoie à Maillot, hein, qui a été concepteur en quelque sorte de l'école des relations humaines. Et Nicole Aubert dit voilà, l'enjeu de l'école des relations humaines, c'est plus de domestiquer une masse musculaire, c'est de domestiquer les sentiments, c'est de domestiquer les affects, et de mettre les affects, les sentiments au service du fonctionnement de l'organisation. Et enfin, le troisième temps, et on en arrive aux années 80, le troisième temps pour Nicole Aubert s'inscrit dans le cadre d'un renouveau managérial et donc d'un glissement de l'enjeu. Et dit-elle, à partir des années 80, dans les grandes multinationales, pour une fois, ce n'est pas dans les petites AFDL, mais c'est dans les grandes multinationales, dont les multinationales actives dans le secteur culturel, l'enjeu devient celui de capter l'énergie psychique du travailleur et de mettre cette énergie psychique au service de l'entreprise. Et donc, dit-elle, on n'est plus là dans une relation de pouvoir, on est dans une relation de domination. Capter cette énergie psychique renvoie à des mécanismes de domination par rapport au travail. Alors, donc retenez ces trois âges, et puis je vais revenir sur le registre psychique, mais ces trois âges renvoient pour Nicole Aubert au glissement, au passage d'un système disciplinaire à un système managériel. Donc, dans l'histoire du management, on serait passé d'un système disciplinaire à un système managériel. Alors, c'est quoi un système disciplinaire? C'est quoi un système managériel? Pour parler du système disciplinaire, Nicole Aubert s'appuie sur Michel Foucault, grand intellectuel français, qui dit que toute l'activité de l'individu disciplinée, donc on est vraiment dans le cadre de ce système disciplinaire, doit être scandée et soutenue par des injonctions, dont l'efficacité, dit-il, repose sur la brièveté et la clarté. L'ordre n'a pas à être expliqué, ni même cerise sur le gâteau, formulé. Il suffit qu'il déclenche le comportement voulu. Et l'armée, quelque part, renvoie, je pense, bien à cet univers disciplinaire. Les ordres, quand on est sur le terrain, les ordres doivent être brefs, doivent être clairs. On ne va pas se lancer dans de grandes démonstrations, dans de grands discours. On doit agir vite. Et donc, il y a ce fonctionnement disciplinaire qui est à l'œuvre, bien sûr encore aujourd'hui dans certaines organisations, dans certaines circonstances, mais qui historiquement, dit Nicole Aubert, était le système sur lequel s'est appuyé le développement économique, hein, donc un développement économique qui s'est principalement appuyé sur l'industrie. C'est quoi le système managinaire? Eh bien, le système managinaire, c'est une contraction, donc ce terme renvoie au management de l'imaginaire, c'est cette dimension psychique, hein, cette énergie psychique qu'on va aller chercher. Donc, le management de l'imaginaire, le système managinaire, dont l'enjeu, comme je vous l'ai dit, est de capter votre imaginaire et de mettre cet imaginaire au service de l'organisation qui vous entoure. Et donc, c'est aller chercher vos fantasmes, c'est aller chercher vos désirs, vos souhaits, et de les canaliser en vue de produire ou en vue de vous permettre de produire les objectifs qui sont ceux de l'entreprise qui vous entoure. Donc, tous les éléments cognitifs et affectifs de l'imaginaire individuel sont utilisés, managés, gérés par la société. Donc, ce n'est pas simplement une observation qui est faite au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de la société dans laquelle nous sommes, et de l'entreprise. Pas n'importe quelle entreprise, mais les grandes multinationales pour faire court, pour orienter les comportements et infléchir les personnalités en vue d'en retirer énergie, productivité et efficacité. Vous voulez deux petits exemples ? Je pense que les règlements intérieurs sont un bel exemple, une belle illustration de la mise en place du fonctionnement du système disciplinaire. Et le premier document que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc si vous tapez sur internet vinaigre vide et saut, vous allez le retrouver sans problème. Et j'ai vu cette photo, j'ai vu ce texte, et je me suis dit, j'ai lu le texte, et je me suis dit, est-ce que c'est un vrai ou un faux ? J'étais un peu étonné par la manière dont certains articles sont formulés. Donc, ce qui est difficile à lire là, je l'ai reproduit ici, je pense que c'est un peu plus lisible. Mais voilà, le premier article, c'est piété, propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire. On est au fin du 19e siècle, mais quand même. Notre firme, article 2, ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés du bureau n'auront plus à être présents que de 7h du matin à 6h du soir. Et ce, les jours de semaine seulement. C'est-à-dire pas du dimanche. Mais du lundi au samedi. Donc on voit bien le côté norme, le côté règle qui est présent. Qu'est-ce qui fait encore penser à ce côté disciplinaire ? Eh bien, par exemple, l'habillement de type sobre, le fait que, voilà, l'article 7, aucun employé de bureau ne sera autorisé à quitter la pièce sans la permission de monsieur le directeur. Donc, quitter la pièce, quitter l'auditoire, implique le fait de demander et d'obtenir l'autorisation. Si la réponse est non, on ne peut pas quitter. Voilà, et donc on pourrait continuer la lecture de ce règlement de travail. Et je pense que sa tonalité principale, c'est une tonalité disciplinaire. Alors, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux ? C'est un vrai. Donc, j'ai croisé l'information, etc. Et j'ai notamment retrouvé toute une série de règlements de personnes. personnels, dont un qui provient des usines Piret à Thy-le-Château, c'est pas loin de Charleroi, c'est à peu près à la même époque, et vous voyez que c'est quasiment un copier-coller. Il y a presque du plagiat, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais typiquement on retrouve les mêmes articles. Et ça, c'est un règlement que j'ai trouvé dans une revue scientifique tout à fait officielle. Donc pour moi, c'est un exemple. Un exemple de fonctionnement disciplinaire. Je vous lis quand même l'article 10. Pour terminer, nous attirons votre attention sur la générosité de ce nouveau règlement. Nous en attendons une augmentation considérable du travail. Alors, un exemple de système managinaire, on parle beaucoup de bonheur au travail, de bonheur dans son travail. Et à l'époque, donc quand je dis à l'époque, je pense que c'était en 2007. En 2007, j'ai trouvé cette petite publicité dans un journal. Et cette publicité invite à fêter la Saint-Valentin au cœur de l'entreprise. Et il est dit, enfin, la question qui est posée, quel meilleur jour que la Saint-Valentin pour déclarer sa flamme à son entreprise ? C'est extraordinaire. Déclarer sa flamme à son entreprise. Et donc, il y a un détournement qui se fait. Il y a un détournement dans le sens où, normalement, la Saint-Valentin, c'est entre des gens qui s'aiment. Et ici, on détourne. On détourne la Saint-Valentin de son objectif premier, pour la transposer dans le monde du travail et faire en sorte, en quelque sorte, que chaque employé déclare sa flamme, pas son employeur, on n'est pas encore là, on n'en est plus là, mais à son entreprise. Et la photo est intéressante aussi à analyser, hein, parce que vous y voyez une parité d'hommes, de femmes, vous y voyez la prise en compte de multiculturalité. Vous voyez les postures aussi. C'est vraiment une entreprise dans laquelle on a envie de travailler, finalement, puisque les gens ont l'air de s'amuser, de rire. L'ambiance a l'air d'être chouette, fun. En tout cas, ça nous change de la photo que vous voyez là-dessus, où les gens n'ont pas l'air de rire. Donc ces deux exemples, je pense qu'on est en 2007, alors je n'ai plus vu passer cette publicité par la suite. Il faut dire qu'après 2007, il y a eu 2008. Quand 2008 a éclaté la crise financière, et donc le contexte est devenu beaucoup plus difficile. Crise financière, crise économique. Crise financière, crise économique. La crise économique qui a suivi l'éclatement de la bulle financière des subprimes aux États-Unis a été plus violente que la grande crise des années 29. Donc, voilà, est-ce que dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut encore déclarer sa flamme à son entreprise? Et donc, je pense que ça a été mis en veilleuse, que plus personne n'avait vraiment envie de faire la fête, ou peu de personnes n'avaient envie de faire la fête. Dans ce contexte-là, et que ici j'ai revu réapparaître des invitations autour de la question du bonheur au travail. Donc, je pense qu'il y a la Journée internationale du bonheur qui s'est fêtée ou qui va se fêter, et que certains sont intervenus en disant que finalement, pourquoi ne pas faire le lien entre la question du bonheur et la question de l'entreprise. Et donc, de revenir avec, finalement, sous une forme déguisée, de revenir avec une Saint-Valentin par rapport. voilà, je pourrais vous parler de pas mal d'autres exemples. Je pense que si vous voulez réfléchir au système managinaire, il y a la publicité qui est un bon moyen de réfléchir à ce que peut être le système managinaire. Il y a la manière dont les grandes entreprises parlent d'elles-mêmes, se mettent en scène, qui sont un bon moyen de réfléchir au système managinaire. Ici, vous voyez une publicité pour La Poste, où La Poste dit, voilà, on est en 2010, si ma mémoire est bonne, on change de nom, La Poste, entreprise publique, devient La Poste, entreprise gérée de manière privée, sous l'angle d'un achat privé, et vous voyez la mise en scène où vous avez un facteur éternellement jeune, éternellement dynamique, qui est dans la course, qui est dans la course à la performance et qui saute allègrement les obstacles. À la limite, rien n'arrête. Regardez le facteur qui est présent sur ce slide et regardez les facteurs que vous rencontrez dans la rue et vous verrez qu'il y a souvent une différence entre. Il faut chercher l'erreur. Je ne sais pas où est l'erreur. Voilà, donc si vous voulez, on peut revenir là-dessus la semaine prochaine. Sinon, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de réflexion, on abordera une autre matière qui portera sur l'information sociale, bien gérée, depuis d'avoir de l'information, et donc comment récolter l'information, comment la traiter.